بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فكما notre habitude, nous allons commencer par une série de questions révision des cours précédents. Inch'Allah ta'ala. Qu'est-ce que As-Sunna, ayyuha al-ikhwa? Pourquoi toujours ces questions? As-Sunna, on a posé la question au moins une dizaine de fois. Celui qui est... Celui qui parmi nous a du mal à mémoriser ou même à peu de temps pour réviser ses cours, à force de l'entendre, va finir par le mémoriser de gré ou de force, comme on dit. Comme cela, al-bid'a, comme cela, al-tawhid, comme cela, al-ibada, l'adoration, et tous ces termes que nous avons déjà appris ensemble précédemment, walillah alhamd. Donc, as-sunnah, qu'est-ce que as-sunnah? Hafidhakum Allah. Hassan, faddal. Ahsant. Acte, parole et approbation. Ahsant. Et acquiescement, c'est approbation. On a dit caractéristiques physiques et morales. Ahsantum, barakallahu fikum. Et donc, ce qui oppose la sunna, ce qui est en opposition, en contradiction avec la sunna, on a dit Al-bid'a, ahsantum, habidakumullah. Al-bid'a, quelle est-elle? De manière résumée et simple. C'est une sorte de la définition de la bid'a, cheikh. Une définition simple, comme on a vu. Salim, tfaddal. C'est une chose inventée qui est en contradiction avec ce sur quoi était le prophète Ali, salam et sahaba. Ahsant. Barakallahu fik. Et donc, comme l'a dit cheikh, parmi les sortes d'innovations de bid'a, on a celles qui sont dans la croyance et celles qui sont dans les adorations. Cheikh a évoqué ici, Zallah khair, une innovation dans la croyance, comme par exemple la croyance de l'Khawarij, qui est une innovation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas sur cette voie. De même que les innovations que nous trouvons dans les adorations, d'après le détail que nous avons fait dans les cours précédents. Quelle est la place de la sunna par rapport au livre d'Allah, le Coran? La sunna peut expliquer le corps. Ahsant, la sunna explique le Coran. Comme l'a dit l'imam Ahmad ici dans les fondements de la sunna, dans Usul al-Sunna. As-sunnatu tufassiru al-Quran wa hiya dala'ilu al-Quran. Comme on va le voir plus en détail aujourd'hui. Donc la sunna explique le Coran. Est-ce qu'il est valable qu'un musulman délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se contente du Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala? C'est possible ou ce n'est pas possible? Pourquoi? Tfaddal. Ça serait suivre le Coran sans suivre le messager. Sahih. Omar, tfaddal. Le Coran, on demande si on va... Ahsant, dans le Coran aussi, celui qui suit véritablement le Coran, s'il est véridique dans cette prétention, il se doit de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ou ce que le messager vous donne, prenez-le. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Comme le dit Allah, tabaraka wa ta'ala. De même que... Tfaddal Damien. On ne fait pas de distinction entre les deux. C'est pas exactement ça. On va y venir un peu plus tard. Et si votre frère a dit, on ne fait pas de distinction entre les deux. Ça, c'est sur une chose particulière, comme on va y arriver. Mais, ahsant, barakallahu fik. Cheikh, tfaddal. Dit combien de Ahsant. Ahsant. Ahsant. Barakallahu fik. Donc, comme on l'a vu, comme l'a dit l'imam Ahmed, la sunna explique le Coran. Par exemple, comme l'a dit Cheikh ici, si on te demande, toi qui prétends te contenter du Coran, si on te demande, trouve-moi l'explication du Coran, de la manière de pratiquer as-salah, de prier salat al-dhuhr que nous venons de prier. Sors-moi du Coran la manière explicative de prier salat al-dhuhr. Tu ne pourras pas. Car cette explication a été donnée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Et autre que cela parmi ses preuves. Et comme on l'a dit précédemment, une chose qui est générale à l'ensemble des gens de l'innovation, une caractéristique qui s'applique à l'ensemble d'entre eux concernant cela. Hein? Une caractéristique, une chose qui s'applique à l'ensemble des gens de l'innovation concernant le Coran et la Sunna. Ils ont tous suivi un verset équivoque. Ils ont tous suivi l'équivoque de manière générale. De même que beaucoup d'entre eux se sont égarés lorsqu'ils ont délaissé le Coran, la Sunna, pardon. Ils n'ont pas délaissé la Sunna de manière absolue, mais plutôt ils ont délaissé cette chose que l'on vient d'expliquer ici, le fait que la Sunna explique le Coran. C'est-à-dire qu'au moment où ils se sont approchés des versets prétend à équivoque, ils ne l'ont pas ramené à la Sunna, à l'explication de la Sunna, comme on l'a vu dans les cours précédents. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, la perte de ma communauté se trouve dans le livre, donc dans le Coran, et dans le lait. Quel est le livre et quel est le lait, comme l'ont questionné les compagnons. Omar, tfaddal. Le livre, c'est le Coran. Ahsant, donc dans le hadith, dans le sens approximatif de ses paroles, il dit, lorsqu'il fut questionné à propos du livre, il dit, ils apprennent le Coran, ils apprennent le Coran, et ils l'interprètent selon une autre interprétation, selon autre que ce qu'a voulu Allah tabaraka wa ta'ala, et le lait. Fadal Omar. Le lait, c'est pour ça désigne de manière générale une chose que l'homme il aime, mais ici, plus particulièrement donc le lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tfaddal Kamel. S'éparpiller pour aller chercher le lait dans les. Ahsant. Donc le lait, ils aiment le lait. Et ils s'éparpillent et ils délaissent les obligations. Et en particulier, Al-Jama'a, donc les prières en groupe ici, et Al-Jumu'a. Donc ces manifestations principales ou ces plus grandes manifestations de l'unité des musulmans. Le fait que les musulmans se réunissent 5 fois par jour pour prier en groupe. De même qu'une fois par semaine pour prier la grande prière du vendredi. Ils délaissent cette chose, donc de manière plus générale. Al-Jama'a, le groupe, on a dit Al-Jama'a ou Al-Jama'at. Le groupe ou les groupes? Al-Jama'a. Al-Jama'a. Hein? Hein? Le groupe. Un seul groupe. Et pas plusieurs groupes, pas le groupe des frères musulmans d'un côté, le groupe des salafis, comme ils disent, comme ils veulent essayer de mettre as-salafiyya dans un groupe, alors que salafiyya, c'est l'islam véritable. Quand on dit salafi, quelqu'un qui s'apparente à ce sur quoi était as-salaf. Pourquoi ils réprouvent cette appellation alors qu'ils n'ont pas de mal à s'appeler maliki, hanbali, s'apparenter au fiqh de l'imam Malik, le fiqh de l'imam Ahmed. Et personne ne conteste l'appellation, par exemple, de Jazairi, Faransi, Maghrebi, Afghani. Sah? Est-ce que quelqu'un va contester cette appellation? On te dit tu es Algérien, Ana Jazairi, par exemple. On te dit tu es Mali, Ana Mali. Pourquoi quand on te dit tu es Salafi, tu dis non? Tu ne cherches pas à suivre la voie de nos pieux prédécesseurs, ceux qui ont été évoqués dans ce verset. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ceux qui sont les premiers parmi les auxiliaires et les émigrés, donc al-muhajirun wal-ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien ou de la meilleure des manières. Donc, ces pieux prédécesseurs de cette communauté, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Tu ne veux pas t'apparenter à eux. Donc, quand on dit ce groupe qu'ils veulent, ou cette chose qu'ils veulent mettre dans une case, dans un groupe, et ces personnes qui se prétendent de as-salafiyya, elles disent as-salafi, al-ikhwan, et tablir, etc. On est tous ensemble. Non. Lorsque tu dis cela, tu apparentes la salafie à un groupe, comme le groupe des frères musulmans, comme le groupe de Jama'at et tablir, comme le groupe. Alors que salafia, c'est l'islam véritable. On n'est pas un groupe ou une secte. On est le parti d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le parti d'Allah, c'est eux qui réussiront. Donc, on a dit jama'a, et non plusieurs jama'at. Et donc, dans ce hadith, qui est très important, halaku ummati fil kitabi wal laban. Donc, la perdition de ma communauté se trouve dans le livre et dans le lait. Nous trouvons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre eux ces deux choses à travers lesquelles la communauté s'égare, la perte de ma communauté, la perdition de ma communauté dans le livre. Comment ça dans le livre? L'interprétation du livre d'Allah Azza wa Jal selon autre que l'interprétation qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lait. Comment ça le lait? Le délaissement de la jama'a, le délaissement du groupe. C'est pour ça qu'on dit Ahlu sunnati wal jama'a. Et personne ne contredit cette appellation. Ni même les gens de l'innovation, puisque les gens de l'innovation eux-mêmes se prétendent, à part bien sûr les chiites, les chiites, mais les gens de l'innovation, dans leur ensemble, ils disent « Nous sommes des gens de As-Sunna wal-Jama'a, nous sommes Ahl As-Sunna wal-Jama'a. » Donc personne ne contredit cette appellation. Simplement, on regarde qui est véridique dans cela. Qui est celui qui est véridique, qui suit réellement la Sunna et le groupe de celui qui ne le suit pas. Une dernière question. Est-ce que la sunna est un fondement, une preuve fondamentale dans l'argumentation dans notre religion? C'est-à-dire, lorsque tu souhaites développer un sujet dans la religion, argumenter sur un sujet, argumenter à propos d'un jugement religieux, est-ce que tu peux t'appuyer sur la sunna? Sans aucun doute. Est-ce que tu peux t'appuyer uniquement sur la sunna? Hein? Hein? Tadal Mahdi. Non, parce que les salafs, quand on leur donnait une question, ils répondaient avec ce qu'ils avaient en premier. Ahsant, barakallahu fik. Bien sûr, ici, c'est une réponse de manière générale. Après, il y a plusieurs détails à donner. Mais ici, ce que je veux... par cette question, c'est ce qu'a développé ici Mahdi, Zallahu Khaira, le fait que est-ce qu'on réprouve une personne qui, lorsqu'on lui pose une question dans la religion, n'a pas donné la preuve de cette chose qu'il va développer, ou cette chose à propos de laquelle, ce sujet à propos de laquelle il va donner ce jugement religieux, est-ce qu'on va réprouver sa réponse s'il ne s'est pas reposé sur le Coran et la Sunna, ou s'il n'a pas mis en avant le Coran pour répondre? On ne réprouvera pas cela. Pourquoi? Comme l'a dit Mahdi ici, ceci était la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis dans le bien. C'est-à-dire que lorsqu'on leur posait une question, que ce soit pour leur pratique à eux ou pour la pratique des autres, lorsqu'on leur posait une question en religion, ils argumentaient par la première chose qui leur venait à l'esprit. S'il leur venait un verset, eh bien, ils argumentaient par un verset. S'il leur venait un hadith, ils argumentaient par un hadith et ils ne faisaient pas de distinction entre ces deux-là. Pour revenir à ce que votre frère Damien a dit, ils ne faisaient pas de distinction entre le Coran et la Sunna dans l'argumentation. Comme on l'a dit, sans aucun doute, le Coran est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est la meilleure des paroles. Elle est meilleure que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute sur cela. Mais ici, on parle de l'argumentation, de ne pas faire la différence entre les deux dans l'argumentaire. C'est-à-dire, on ne dit pas à une personne pourquoi n'as-tu pas donné un verset plutôt qu'un hadith. Abdallah ibn Omar, dans ce hadith, qui est communément appelé hadith ou Jibril, qui est connu, a rapporté ce hadith que son père Omar, radiallahu anhu, rapportait pour développer à propos de... Vous vous rappelez la base du hadith? À propos de quelle chose? Mais à propos de quel? Ah, de l'qadar, de la prédestination. C'est... deux parmi At-Tabi'in, qui sont Yahya ibn Abdurrahman et qui sont Yahya ibn Ya'mar et Chismo. Hein? Yahya. Omar ibn Abdelaziz. Là. On a dit donc Yahya ibn Ya'mar et Shabab. Al-Himyari. Raha min Bali, il est sorti de mon esprit, ce grand tabi'i qui était avec donc Yahya ibn Amr qui rapporte ce hadith et donc qui est parti lui et son compagnon Al-Himyari pour faire le hajj ou la umrah. Et ils ont dit, si nous passions près d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui poserions la question sur Al-Qadar. Car à cette époque-là, était apparue la secte de Al-Qadariya que nous allons voir au cours prochain, puisque au cours prochain, nous terminons cette introduction de Usul Sunna et nous rentrons dans les parties de la croyance évoquées par l'imam Ahmed. Et la première de ces parties, la partie liée à la prédestination. Inch'Allah ta'ala. Et donc, ils sont passés auprès de Abdallah ibn Umar et lui ont posé la question. Ils lui ont dit que des gens sont apparus et ils disent que Allah Azza wa Jal ne sait pas, ne connaît pas les choses qui vont arriver avant qu'elles arrivent. Pour résumer, qui était la croyance de Ma'bad al-Juhani et ceux qui l'ont suivi parmi la secte de l'Qadariya. Et Abdallah ibn Umar de dire, après avoir cité une parole que nous citerons la semaine prochaine, il dit: j'ai entendu mon père, donc Omar ibn al-Khattab, dire, et il rapporte le hadith de Jibril. Un hadith, alors que sans aucun doute, Abdallah ibn Omar connaissait le Coran en entier, et des versets, il y en a, pour affirmer la prédestination, mais plutôt il utilisait un hadith. Donc nous voyons que la voix de nos pieux prédécesseurs était qu'il ne faisait pas de différence dans l'argumentation entre le Coran et la Sunna. Et comme on va le voir dans les cours prochains, beaucoup de gens, ou comme on l'a vu précédemment, mais dans les cours prochains, nous allons voir aussi que beaucoup de gens, parmi les gens de l'innovation, se sont égarés dans cela, jusqu'à ce qu'il y a même des sectes qui prétendent se suffire du Coran. Comme on l'a dit, l'ensemble des gens de l'innovation se sont égarés concernant la sunna et le suivi des versets à équivoque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ramené dans ou à propos de l'explication de ces versets prétendus à équivoque, l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas ramené à la sunna. Mais il y a même des gens qui se sont égarés en prétendant se suffire du livre d'Allah, ce qu'on appelle al-Qur'aniyin, les coranites. La secte des coranites, on le développera dans des cours prochains, et on avait fait, il y a quelques années, dans une mosquée ici en Île-de-France, un appel avec notre cheikh Adil Sayyid al-Misri, Hafidahullah Ta'ala, sur la réfutation de la secte des coranites. Et vous trouvez l'audio du cours de notre cheikh sur Internet.